Mais Narcisse, reprenant sur Néron son funeste ascendant, le pousse définitivement au crime. Tandis que s'apprête le festin de paix et de réconciliation, qui consacre son crédit retrouvé, Agrippine exprime son orgueilleuse et trop hâtive joie à Junie, que Britannicus avait vainement essayé de rassurer. Burrus vient donner raison aux appréhensions de Junie. À peine l'empereur a vu venir son frère, il se lève, il l'embrasse, on se tait, et soudain, César prend le premier une coupe à la main. Pour achever ce jour sous de meilleurs auspices, ma main de cette coupe épanche les prémices, dit-il. Dieu, que j'appelle à cette effusion, venez favoriser notre réunion. Par les mêmes serments, Britannicus se lie. La coupe dans ses mains, par Narcisse, est remplie. Mais ses lèvres à peine en ont touché les bords. Le fer ne produit pas de si puissants efforts. Madame, la lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit, sans chaleur et sans vie. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. La moitié s'épouvante et sort avec des cris. Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage, sur les yeux de César, composent leur visage. Cependant, sur son lit, il demeure penché. D'aucun étonnement il ne paraît touché. Ce mal dont vous craignez, dit-il, la violence, a souvent sans péril attaqué son enfance. Narcisse veut en vain affecter quelque ennui, et sa perfide joie éclate malgré lui. Pour moi, dû l'empereur punir ma hardiesse, d'une odieuse cour, j'ai traversé la presse, et j'allais, accablé de cet assassinat, pleurer Britannicus, César et tout l'État.